إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. ومرسي الله سبحانه وتعالى d'être parmi vous via la radio. Encore une fois, nous sommes arrivés au 11e cours dans la série des cours sur l'explication de Juz Amma, la partie du Coran de Surat la Nouvelle jusqu'à la fin du Coran. Et nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala à Surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin, les fraudeurs. طيب. Les savants ont divergé sur le fait qu'elle soit une sourate mécoise ou médinoise. يقول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. سورة المطففين. À titre de bénéfice, dans la langue arabe, ça vient du verbe taffafa. Et at-tatfif, donc ce qu'on appelle la fraude, comme ils traduisent, c'est en vérité ce qu'on appelle la diminution. Hein, la diminution. Donc une chose qui est ash-shay'u tafif, une chose qui est tafif, c'est une chose qui est diminuée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le premier verset, Waylun lil mutaffifin. Malheur aux fraudeurs. Waylun. Waylun, c'est un mot qui est beaucoup répété dans le Coran. Et ce qui est correct, c'est qu'il signifie une mise en garde et une menace d'un châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala menace d'un châtiment pour celui qui contredit son ordre et qui commet un interdit. Donc là, c'est pour ça qu'ils l'ont traduit par malheur. Malheur aux fraudeurs. Donc lorsque tu vois le mot waylun, c'est qu'il y a un châtiment, c'est une menace, hein, une mise en garde. Malheur aux fraudeurs. Qui sont les fraudeurs? Allah subhanahu wa ta'ala l'explique dans les versets suivants et il dit الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, exigent la pleine mesure. C'est-à-dire, lorsqu'ils achètent auprès des gens, ils exigent la pleine mesure. Ils exigent auprès des gens leur dû, c'est-à-dire leur droit, parfaitement, sans diminution. Ils veulent la pleine mesure. Hein, c'est-à-dire qu'ils demandent leur dû aux gens en totalité, sans fraude. Ils ordonnent aux gens d'être justes, sans fausser, sans frauder. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. Dans le verset suivant, il dit et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur causent perte. C'est-à-dire, lorsqu'eux-mêmes, en vendant, donc c'est eux les vendeurs maintenant, ils font perdre aux autres leurs droits, leurs dus, soit en mesurant ou soit en pesant. Lorsqu'ils donnent aux gens leurs droits, ce qui appartient aux gens, en mesure ou en poids, ils causent leur perte. C'est-à-dire qu'ils diminuent. D'accord ? Soit en diminuant par exemple la mesure, ou soit en diminuant le poids. Donc, ils diminuent le droit des autres. Subhanallah, lorsqu'ils demandent leur dû aux autres, ils exigent la pleine mesure, sans complaisance et sans indulgence à l'égard des autres. Mais lorsqu'eux-mêmes vendent, donnent les droits aux gens, ils le diminuent. Subhanallah. Et ceci est une injustice. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a certes anéanti le peuple de Shu'aib, alayhi salam, car ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala et diminuaient les mesures et les poids. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Hud, versets 84 et 85, « Et nous avons envoyé aux Madian leur frère Shu'aib, qui leur dit, « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité en dehors de lui. » Et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. » Fin du verset. Donc la diminution des mesures et le poids est considéré comme un vol et une injustice envers la personne. Donc, que dire alors de celui qui prend les biens des gens par force ou en les volant? Son châtiment sera plus méritoire, wallahu al-musta'an. Et il y a un point important à clarifier à ce sujet. Comme les savants le disent, ils se basent sur ce verset pour dire que celui qui demande le dû à une personne, mais en contrepartie, quand la personne lui demande son dû à lui, il est négligent, il les diminue. Comme par exemple, l'époux pour l'épouse. Donc l'homme, l'époux, il demande à son épouse de lui donner son dû, parfaitement, sans négligence. Mais lorsque son épouse lui demande son droit, ou lorsqu'il donne le droit à son épouse, il le diminue et il est négligent. Et ceci arrive souvent, qu'Allah nous en préserve. Comme pour le père pour ses enfants. Le père demande à ses enfants son droit, son dû. Mais lorsque lui, c'est-à-dire il leur demande la bienfaisance envers lui, de lui donner son droit dans toute chose, etc. Mais lorsque lui leur donne leur dû, il est négligent. Et il diminue, etc. Donc à celui-là, on dit, tu es certes mutaffif. Tu es certes fraudeur. Et on lui rappelle la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wailun lil mutaffifin » الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Et c'est pour cela qu'il est venu dans le hadith d'Abu Huraira que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Sauriez-vous me dire ce que signifie Al-Muflis ?» Ils répondirent « Al-Muflis, parmi nous est celui qui ne possède ni un dinar ni un dirham. » Il dit « Al-Muflis » On peut traduire par le ruiné. Al-Muflis dans ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection ayant observé le jeûne, accompli les prières et acquitté la zakat et qui aura par ailleurs insulté un tel, calomnié l'honneur d'un autre, volé l'argent de tel autre, répandu le sang de l'un et frappé l'autre, si bien qu'on lui prendra de ses bonnes actions pour les distribuer à l'un et à l'autre. Quand il n'aura plus de bonnes actions à son actif, et si elles ne suffisent pas à le racheter auprès de ses victimes, on prendra à l'heure de leur péché pour les jeter sur lui avant de le jeter au feu. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih. Donc chaque personne doit faire attention à l'injustice. Il doit faire attention à ne pas être parmi les fraudeurs. Ne demande pas le dû à quelqu'un parfaitement, sans diminution, etc. Mais toi, à côté, tu es négligent et tu ne lui donnes pas son droit. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Allah subhanahu wa ta'ala a menacé les fraudeurs ensuite. Et il s'est étonné de leur situation dans laquelle ils sont. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités? Ceux-là, c'est-à-dire les fraudeurs, ne pensent-ils pas? Donc là, dans le verset en arabe, c'est Ala yadhunnu. Hein, ne pensent-ils pas? Mais ici, en vérité, c'est n'ont-ils pas la certitude? Parce que ici, le mot yadhunnu, c'est-à-dire penser, il signifie être certain. Hein, le mot avan, c'est-à-dire la pensée, signifie la certitude ici. Et cela arrive à plusieurs reprises dans le Coran. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala par exemple dans Surat la Vache, Al-Baqarah, verset 46. Alladhina yadhunnun, qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur et retourner à lui seul. Donc à faire attention, à bien comprendre. C'est pour ça que la langue arabe elle est importante. Ala yadhunnu ulaik. Naam. C'est-à-dire, n'ont-ils pas la certitude? N'ont-ils pas la conviction? C'est-à-dire ces fraudeurs d'être ressuscités après la mort. En un jour terrible. Liyaumin azim. En un jour terrible. Et ce jour est terrible. Naam, immense. Et il n'y a pas de doute dans cela. Et on a parlé beaucoup de fois sur ce jour. Et comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Hajj, le pèlerinage, verset 1, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Donc ce jour sera terrible dans sa longueur, il sera terrible dans sa frayeur, dans ce qui va arriver ce jour. Subhanallah. Et pour les mécréants, ce sera un jour terrible, un jour très difficile, qu'Allah nous en préserve. Non, mais en ce qui concerne les croyants, alhamdulillah, les croyants, ce sera un jour facile pour eux. Comme s'ils avaient accompli une prière obligatoire avec facilité. Non. Qu'Allah il fasse qu'on fasse partie de ces gens. Donc, il dit Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers. C'est-à-dire ce jour terrible où les gens se lèveront de leur tombe. Ils seront ressuscités, se tenant debout devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se lèveront de leur tombe, nus et non circoncis. Comme on l'avait vu dans le hadith de Aïcha, radiallahu anha. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anbiya, les prophètes, verset 104, « Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. » Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a créé l'être humain nu et non circoncis, de même, le jour de la résurrection, il sera nu et non circoncis. Il dit ensuite Allah subhanahu wa ta'ala « Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin » وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّنْ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite dans la traduction approximative, non, mais en vérité le livre des libertins sera dans le Sijjin. Et kalla, on l'a vu déjà, kalla ici il vient dans le sens pour réprimander, hein, pour réprimander, pour blâmer ceux qui traitent de mensonge le jour de la résurrection. Mais il peut venir aussi dans le sens de l'affirmation. C'est-à-dire ici, Hein? On affirme que le livre, certes, c'est pour ça qu'ils ont dit en vérité, le livre des libertins sera dans le Sijin. Qui sont les libertins? Les libertins, c'est-à-dire parmi les mécréants, les hypocrites et les pervers. Et le mot Sijin, comme disent les savants, il vient du mot As-Sijn. Hein, il vient du mot, dans la langue arabe, As-Sijn, hein, qui est l'étroitesse, yani. Hein, dans un étroit réduit, dans un endroit qui est réduit, comme la prison par exemple. Mais ici, cet endroit, c'est l'enfer. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourat, le discernement, versets 13 et 14. Et quand on les y aura jetés dans un étroit réduit, les mains liées derrière le cou, ils souhaiteront alors leur destruction complète. Aujourd'hui, ne souhaitez pas la destruction une seule fois, mais souhaitez-en plusieurs. Fin du verset. Il a été dit aussi dans l'explication de ce verset, donc de ce mot, si djinn, c'est l'enfer qui se trouve le plus bas, au septième terre, le refuge des libertins. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَا أَدَرَاكَ مَا سِجِّنْ » Et qui te dira ce qu'est le Sijjin? Pour immensifier cette chose. Mais cette immensité, c'est dans la plus basse. Ce n'est pas un rang élevé, mais c'est un rang qui est le plus bas, comme on a dit. « كِتَابٌ مَرْقُومٌ » Un livre déjà cacheté, c'est-à-dire achevé. Naam. C'est-à-dire un livre où est mentionné leurs mauvaises actions. Les mauvaises actions de ces libertins. Un livre où tout est écrit, inscrit et protégé. Rien ne se perd. Rien n'est rajouté ou diminué et rien n'est changé. Un livre attaché à son propriétaire. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourat, le voyage nocturne, verset 13. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre. Et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ Malheur ce jour-là aux négateurs. C'est-à-dire ceux qui démentent. Allah subhanahu wa ta'ala réitère ici la menace. Et la promesse avec ce mot. وَيْلٌ Comme on a dit, un châtiment dont seul Allah connaît son intensité. Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite qui sont ces négateurs, ceux qui démentent? Et il dit, Alladhina yukadhibuna biyawmiddin, qui démentent le jour de la résurrection. Ceux qui démentent le jour de la rétribution, le jour du jugement, le jour des comptes. Cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis un châtiment. Wa ma yukadhibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Or, ne le dément que tout transgresseur pécheur. C'est-à-dire, or, ne le dément, c'est-à-dire le jour de la résurrection, que tout transgresseur, celui qui transgresse les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actions, pécheur, c'est-à-dire celui qui commet beaucoup de péchés, et donc sa transgression et ses péchés vont l'emmener à démentir. Et l'emmène vers le feu de l'enfer. À démentir le jour de la résurrection et va l'emmener aussi vers le feu de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاتِيرُ الْأَوَّلِينَ qui, lorsque nos versets lui sont récités, dit des contes anciens. Ce sont des contes anciens, d'anciens, afouen. C'est-à-dire les versets du Coran, qui lorsque nos versets, les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation descendue, qui rappelle la résurrection, la rétribution et les comptes, les versets qui montrent clairement la vérité et la véracité de ce avec quoi sont venus les prophètes, alayhimu salam. Non seulement ils se moquent des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils se moquent aussi d'Allah, car ce sont les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent, ce sont des contes d'anciens. C'est-à-dire, ce ne sont que des propos futiles, des faussetés, que disaient les anciens, les peuples anciens. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate le discernement, versets 4 et 5. Les mécréants disent, tout ceci n'est qu'un mensonge qu'il a inventé. Ou d'autres gens l'ont aidé. Or, ils commettent là une injustice et un mensonge. Et ils disent, ce sont des contes d'anciens qu'il se fait écrire. On lui dicte matin et soir. Fin du verset. Ils disent, ce sont des contes d'anciens avec orgueil et entêtement. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite la cause qui les a portés sur cela. Et il dit, كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Pas du tout, ce n'est pas comme ils ont dit. Ce sont des contes d'anciens, mais leurs cœurs sont insouciants. La lumière de la révélation et du Coran n'ont pas atteint leur cœur. Et ils en ont pas tiré profit, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Leurs péchés se sont entassés, se sont accumulés sur leur cœur jusqu'à ce que leur cœur devienne aveugle. Il y a une enveloppe, un voile dans leur cœur qui empêche de voir le bien. Ils ne sont ni sensibles au rappel et ni ne tirent profit de la preuve. Car ils ont une enveloppe, ils ont un voile dans leur cœur. Ils ne peuvent voir que les versets et la vérité. Mais ils voient seulement que ce n'est que des contes d'anciens. Ils voient seulement que ce n'est que des contes d'anciens. Et la preuve que lorsque les péchés s'accumulent et s'entassent jusqu'à ce que devienne le cœur aveugle, c'est le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le croyant commet un péché, le serviteur, on inscrit un point noir sur son cœur, dans son cœur afouane. S'il se repent, cesse et implore le pardon, son cœur est poli de ce point. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à recouvrir tout son cœur. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Bel, kalla bel, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. » Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala montre ensuite quelle sera leur fin à ces gens-là. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ. Qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est-à-dire ici quand il dit كَلَّا, on a vu tout à l'heure ici, c'est le sens, c'est l'affirmation. Hein? Certainement ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Le jour du jugement, un voile les empêchera de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans cette vie d'ici-bas, vous aviez un voile dans le cœur pour voir les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, la religion, la vérité. Comme vous avez mécru en Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas, alors ce jour-là, le jour du jugement, un voile les empêchera de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala par les croyants dans le delà, hein, est prouvée par le Coran, la sunna authentique et par le consensus des gens de la sunna. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Al-Qiyamah, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Yunus, verset 26, pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un rajout. Et l'explication de ce verset a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith suivant. D'après Suhaib, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque les gens du paradis vont rentrer dans le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Ils vont dire, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait rentrer dans le paradis? Et tu nous as sauvés du feu? Alors il va lever le voile Et il ne sera pas donné une chose qui leur sera plus aimée que de regarder leur Seigneur. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset « Pour ceux qui ont agi en bienfaisance, il y a la belle récompense et un rajout. » « L'illadina ahsanul husna » c'est le paradis ici. « Waziyada » ici c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les hadiths sont nombreux à ce sujet. On va se contenter de rapporter un hadith, inshallah wa ta'ala, car ils sont nombreux. D'après Jarir ibn Abdullah, qu'Allah les agrée lui et son père, il dit « Nous étions assis auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il regarda la lune dans une nuit où elle était pleine. Alors il a dit « Certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez cette lune la nuit lorsqu'elle est pleine, sans avoir de mal à le voir. » Naam. Et dans l'autre version du hadith, d'après Abu Huraira, quand il a dit « Avez-vous du mal à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages ?» Ils ont dit « Non, non au messager d'Allah. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors « C'est certes ainsi que vous le verrez. » Naam. Et le premier hadith était rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et celui-là aussi par Al-Bukhari ou Muslim. Naam. Et il y a consensus à ce sujet. Il y a consensus à ce sujet. Naam. Mais les mécréants ne verront pas Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Naam. Comme mentionné dans ce verset. En vérité, ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Naam. Et ensuite, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a sur eux, c'est-à-dire il y aura un autre châtiment ici. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ. Ensuite, ils brûleront certes dans la fournaise. Subhanallah. En plus d'être privés de la vision du tout miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, ils brûleront certes dans l'enfer. Double châtiment. Naam. Comme c'est un délice, une récompense pour les croyants de voir Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un châtiment pour les kuffars, pour les mécréants et les hypocrites de ne pas voir Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui verront, de ceux qui le verront yawm al-qiyama et au paradis. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. On leur dira alors voilà ce que vous traitiez de mensonge. C'est-à-dire on leur dira en les blâmant, en les réprimandant et en les humiliant, voilà ce que vous traitiez de mensonge. On leur dira ce châtiment dans lequel vous êtes ce jour. C'est le châtiment dont on vous atteint, on vous a informé que vous alliez goûter et que vous traitiez de mensonge et le renier. Goûtez donc maintenant et brûlez dans la fournaise. Et c'est pour cela qu'ils diront, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate les Bestiaux, versets 27 et 28, si tu les voyais, quand ils seront placés dans le feu, ils diront alors, hélas, si nous pourrions être renvoyés sur la terre, nous ne traiterions plus de mensonges les versets de notre Seigneur, et nous serions des nombreux des croyants. Mais non, voilà que leur apparaîtra ce qu'auparavant ils cachaient. Or, s'ils s'étaient rendus à la vie terrestre, ils redeviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Ce sont vraiment des menteurs. Ce sont vraiment des menteurs. Naam, on leur dira alors, voilà ce que vous traitiez de mensonge. Et Allah subhanahu wa ta'ala par la suite parle d'une autre catégorie, c'est-à-dire il parle des croyants, il dit Kalla inna kitab al-abrar la fi 'illiyin. Et ça, inshallah ta'ala, on commencera à expliquer demain, bi'idnillahi ta'ala, et on essaiera de finir. On essaiera de finir la sourate complètement, inshallah ta'ala. Qu'Allah nous facilite. On s'arrête pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والله أعلم. Et n'oubliez pas, inshallah ta'ala, ce soir à 22h, le cours du frère Youssouf Abu Abdel Razak sur les paraboles du Coran. Soyez présents, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.